الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم إن شاء الله سيكون درسنا في الحديث 37. Aujourd'hui ce sera le 37e حديث، qui lui est un hadith qui vient comme forme de bayan, de tafsir, d'explication du premier hadith qui était Innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par les intentions. Il va expliquer un peu cette intention, quand elle peut être récompensée ou le contraire. Voyez-vous le contraire? Non. Faqala. قال الإمام أبو خاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا جعد بن دينار أبو عثمان حدثنا أبو رجاء الأوتاريدي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. Donc ce hadith, qui est selon Ibn Abbas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur Azza wa Jal, lorsqu'il dit « Certes que Allah a inscrit les bonnes et les mauvaises actions, puis les a précisées. Ainsi pour celui qui projette qu'il a l'intention de faire une bonne action, puis ne la fait pas, Allah l'inscrit celle-ci auprès de lui. » comme une bonne action entière. Et s'il projette de la faire, c'est-à-dire qu'il se décide à la faire, et l'accomplit effectivement, alors Allah l'inscrit auprès de lui comme 10 à 700 bonnes actions. Et jusqu'à de nombreuses fois, multipliées encore. S'il projette de faire une mauvaise action, puis ne la fait pas, Allah l'inscrit auprès de lui comme une bonne action complète. Puis s'il projette de la faire, et effectivement l'accomplit, alors l'inscrit comme une seule mauvaise action. Comme une seule mauvaise action. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc comme nous l'avons dit, ce hadith lui se rapporte à l'intention, à niya. Que même sans avoir accompli d'acte, tu peux être récompensé, ou voir le contraire, selon fonction de ton intention. فقال الشيخ حفظه الله تعالى وفي الحديث فضل من الله عز وجل المسلم من عدة وجوه. Donc dans ce hadith il y a des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le muslim de différents points. Il va citer chaque point qui sont au nombre de trois. الوجه الأول, le premier point qui est أن الحسنة بعشر حسنات قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أي حسنة يعملها الإنسان عليها عشر حسنات الحسنة بعشر وفي حديث أبي ذر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فسيئة مثلها أو أغفر حديث القدسي. Donc il dit le premier point, que la bonne action en équivaut à 10. Une bonne action équivaut à 10 bonnes actions. Alors dans le sens il dit, et que celui qui vient avec une bonne action, qui accomplit une bonne action, alors elle sera décuplée par 10. Et comme dans le hadith rapporté par Bizar, également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire un hadith Qudsi qui rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit que celui qui accomplit une bonne action, alors elle sera décuplée par 10. Et que je peux rajouter. Et que celui qui fait une mauvaise action, hein, alors elle ne vaudra qu'une seule mauvaise action. Et que je peux pardonner. Ou que je pardonne plutôt. Ou que je pardonne. فَالْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا لِكُلِ عَامِلٍ حَسَنَةً. Que chaque personne qui accomplit une bonne action, celle-ci sera découplée en 10. Ça, c'est la base. Qu'une bonne action en vaut 10. وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ فَهَذَا تَحْتُ الْمَشِيَّةِ فَهَذَا تَحْتُ الْمَشِيَّةِ قَدْ يُدَاعَفُ لِذَلِكَ وَلَا يُدَاعَفُ لِهَذَا. وقال تعالى والله يضاعف لمن يشاء. وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فدل على أن الزيارة على عشر تحت مشية الله عز وجل والعشر حاصلة لكل مسلم عمل حسنة أراد بها وجه الله عز وجل. Donc il dit, par contre, ce qui est au-dessus des 10, comme le fait que celle-ci soit décuplée à 700, voire plus, cela revient à la bonne volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'il la multiplie et il se peut qu'il ne le fasse pas. C'est pour ça qu'il dit dans le sens que Allah multiplie pour qui il veut, à qui il veut. Et il dit dans le sens que l'exemple de ceux qui dépensent de leur argent sur le sentier d'Allah, c'est comme l'exemple d'un grain dont naissent 7 épis. Et dans chaque épi, 100 grains. D'accord? 100 grains. Et que Allah multiplie pour qui il veut. Donc cela démontre que le supplément, ce qui en surplus des 10, 10 bonnes actions, cela est sous la bonne volonté d'Allah, Azza wa Jal. Mais que les 10, les actions décuplées par 10, cela se produit pour chaque musulman qui aura fait une bonne action avec sincérité, recherchant par là le visage d'Allah Azza wa Jal. وقال رجل كما في حديث ابن مسعود يا رسول الله جعلت هذه الناقة المختومة في سبيل الله قال لك بها 700 ناقة أي إنها ضعفت له يوم القيامة. Donc comme dans le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, qu'un homme se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit que certes, je laisse cette chamelle sur le sentier d'Allah. Je laisse cette chamelle sur le sentier d'Allah. Alors lui était dit, cela te reviendra à 700 chamelles. C'est-à-dire cette chamelle-là sera comme si tu m'avais donné 700. Que celle-ci était décuplée, dédoublée, le jour de la résurrection. Ça, c'est le premier point. D'accord? Le premier point, c'est-à-dire que une bonne action vaut 10 et que cela peut aller plus selon le bon vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wajh Thani. Deuxième point. معنى الحسنات بعشر أمثالها ويهم بالسيئة وما يعملها تكتب له حسنة وما تكتب سيئة هذا من فضل الله عليه. Donc le deuxième point, c'est que bien que une bonne action en vaut 10, que si jamais il projetait en faire une mauvaise, mais qu'il ne l'a pas accompli par la suite, alors cela sera compté comme une bonne action. Le fait qu'il ait voulu faire une mauvaise action puis qu'il est délaissé et la condition va venir par la suite, cela équivaut à une bonne action et cela est parmi la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, sur le serviteur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, al-wajh al-thalith, wa man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha katabaha 'indahu al-hasanat takunu 'inda Allah 'azza wa jalla. Qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayr تجده عند الله والسيئة ما قال عند الله فهي معرضة للغفران تجده عند الله في حق الحسنات. وهذا الحديث شامل أربع حالات. طيب. Donc il dit le troisième point qui est que celui qui a voulu faire une bonne action mais ne l'a pas accompli, celle-ci est inscrite auprès d'Allah. C'est-à-dire que les hasanat sont inscrites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on parle dans le hadith, كتبها الله له عنده, que Allah l'a inscrite auprès de lui. comme il dit dans le sens, tout ce que vous faites comme bien pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah. Hein, vous le trouverez auprès d'Allah, indallah. Alors que la mauvaise action, il n'a pas dit auprès d'Allah. Car celle-ci, hein, est exposée au pardon. Il se peut qu'elle soit effacée. Quand il dit à la fin du hadith, فَإِنَّ هَمَّ فَوَا هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيَّةً وَاحِدَةً. Hein, que si jamais il a voulu la faire et qu'il l'a accompli par la suite, que Allah l'écrira comme une seule mauvaise action. Il n'a pas dit « indahu » auprès de lui. D'accord ? Il ne l'a pas dit auprès de lui. Car la mauvaise action, elle, comme nous l'avons dit, est exposée au pardon. Ensuite, il dit que ce hadith comporte quelle situation ? En récapitulatif, quelle situation ? Qu'est-ce qu'il dit ? « Halatuz hasana » أولا حالة الحسنة التي يعملها الإنسان يعملها لله عز وجل تضاعف بعشر وقد يضعفها الله عز وجل. Donc il dit la bonne action qui est accomplie par la personne, accomplie pour Allah par sincérité, avec sincérité, que Allah la décuple. Hein? À 10 fois. Et il explique qu'il la décuple bien plus que cela. Comme dans le hadith, cela est venu. ثانياً, deuxième situation. التي يهم بها الإنسان ولم يعملها فهذه مكتوبة ولكن الذي يعملها أفضل والذي يعمل الحسنة أفضل من التي يكتبها منة منه وفضلا منه لأنها ما تكون بعشر تكون حسنة واحدة. Donc il dit ensuite, c'est celle que la personne a voulu accomplir mais qui n'a pu le faire. Celle-ci lui est inscrite auprès d'Allah. Bien que celui qui l'a accompli est meilleur. D'accord ? Celui qui l'a accompli est meilleur. Donc cela par la grâce d'Allah, hein, par la grâce d'Allah, que cette motivation qu'il avait en lui, cette attention, lui est comptée comme une bonne action. Elle n'en vaut pas 10, mais une seule. Elle n'en vaut pas 10, mais une seule. C'est-à-dire le fait qu'il ait voulu faire une chose, mais qu'il ne l'ait pas fait, cela lui est compté comme une bonne action. Ça, c'était la deuxième situation. La troisième situation, قال التي يهم بها الإنسان وما عملها خوفا من طيب. Ça c'est la mauvaise action. وحالة السيئة التي يهم بها الإنسان وما عملها خوفا من جزاء الله عز وجل. Donc la quatrième, ou plutôt la troisième situation, c'est celle de la mauvaise action que la personne avait projeté de faire, mais qu'il a fini par délaisser par peur d'Allah, par peur de jugement d'Allah. كما جاء في حديث إنما ترك ذلك من جلائي فهذا مأجور عليها كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار الذي فيه أن أحدهم قال. Donc il dit comme cela dans un hadith, celui-ci sera récompensé, celui qui a voulu faire une mauvaise action et l'a délaissé sera récompensé. Comme le prouve le hadith rapporté par Ibn Omar, que nous citons souvent dans ce cours, de ces trois qui ont été emprisonnés dans la caverne de nuit par le rocher qui s'est écroulé sur eux et qui n'ont pu être délivrés si ce n'est qu'en se rappelant de la bonne action faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'un des trois, c'est le deuxième qui dit qu'il aimait une femme, sa cousine, hein, d'un amour virulent, qu'il l'aimait énormément, qu'il était épris d'amour pour elle, qu'elle était la personne la plus aimée auprès de lui. Hein, et qu'il voulait commettre avec elle l'acte interdit en échange d'argent. Et lorsqu'il fut vu sur le point de commettre l'acte qui se trouvait entre ses jambes, comme un homme le ferait avec sa femme, celle-ci lui rappela de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas la déflorer. Donc qu'est-ce qu'il fit ? À l'écoute de ce rappel, hein, il se retira d'elle et délaissa cet acte et lui laissa l'argent même. Donc là, regardez dans le hadith, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En citant cet acte, قال اللهم إني كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. Donc une fois qu'il a cité cette action auprès d'Allah, il lui demanda que celui-ci, si jamais il a fait cela sincèrement pour lui, qu'il le délivre de la situation dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire l'emprisonnement dans la caverne. Et de là, le rocher se dégagea encore. Ce qui démontre que le fait qu'il ait délaissé une mauvaise action qu'il avait projeté de faire, cela lui a apporté une récompense. Ce hadith en est une preuve. Non. Ensuite, il dit, Al-Hala Rabia, quatrième situation. Fi haq man amila sayyi'atan man tuktab lahu sayyi'a. C'est dans le cas de celui qui avait projeté de faire une mauvaise action et qui l'a accompli. Celle-ci lui sera comptée comme telle, comme une mauvaise action. Comme une seule mauvaise action. Atambi ici, que je voudrais faire par rapport aux actions qui sont décuplées, cela varie en mesure de certaines situations. À titre d'exemple, nous en avons déjà parlé, par exemple, comme cela est vu dans le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « An yasrika rajulu min ashr abiyat ahwan lahu an yasrik min bayt jari wa an yazniya rajulu bi ashr niswan ahwan lahu an yazniya bi mrati jari » Comme par exemple, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que une personne viendrait à voler dans 10 maisons, cambrioler 10 maisons, cela serait moins grave que de cambrioler la maison de son voisin. Ou également, qu'il fornique avec 10 femmes étrangères éloignées, cela serait moins grave que de faire avec la femme de son voisin. Donc cela démontre quoi? Regardez, qu'il est moins grave pour un homme de forniquer avec 10 femmes différentes qu'avec une seule qui est celle de son voisin. Ce qui démontre que là, c'est une même action. Mais en mesure de la situation, celle-ci peut empirer. Regardez, une femme peut lui coûter plus cher que 10 femmes. Et cela, à quel moment? La femme de son voisin. Une maison peut lui coûter plus cher que 10 maisons. Laquelle? La maison de son voisin. Également, comme pour celui qui n'a jamais connu le mariage, qui viendrait à faire zina, son châtiment serait moindre que celui qui a déjà connu le mariage. L'acte est le même, mais les situations diffèrent. Celui qui a connu le mariage, il est lapidé, à mort. Et celui qui n'a pas été marié, celui-là est flagellé, sans coup de fouet. Ou comme également, il a été dit que par exemple, un cheikh, un homme âgé qui fait zina, est pire qu'un jeune. Ils font le même acte, et pourtant, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la chose peut être pire. Ou également, un savant qui viendrait à contredire sa science, cela pourrait être pire qu'un ignorant. Des mêmes actions peuvent être décuplé en bien ou en mal en fonction de la situation. Donc ensuite il dit, le chier reprend en disant, قَدْ قَالَ بَعْدُهُمْ الَّذِي يُهِمُّ بِالْسَيِّئَاتِ أَوْ بِالْحَسَنَاتِ لَمْ يَعْمَلْهَا مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَ الْمَلَكُ وَالَّذِي يَكْتُبُ قَالَ تَعَالَى مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَالَّذِي يَكْتُبُ مَلَكٌ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ وملك يكتب سيئاتي فهل هو يطلع على ما هم به الإنسان الجواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لا مانع أن يطلع الله عز وجل ملائكته على ما يهم به الإنسان لكتابة ذلك وقال بعضهم إن الله يجعلها حسنة ظاهرة وسيئة ظاهرة يكتبها الملك والقول الأول أقرب الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا مانع أن يطلع الله عز وجل ملكا من الملائكة الموكلين بذلك على تلك الحسنات فيكتبها لأنه موكل بها وقد جاء عن ابن مسعود مما استدل به في هذا الباب بما استدل به في هذا الباب أيضا أن الملائكة قد يطلعهم الله الشيطان قد يوسوس في قلب والملك تكون له على القلب خطرات حق وخير كما قال ابن مسعود وخطرات الشيطان خطرات سوء وفتنة وكل ذلك من الله عز وجل بتقدير. Donc il dit, il est connu qu'à la base, celui qui inscrit les bonnes actions et les mauvaises actions sont des anges. Et qu'à la base, les intentions ne sont connues qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui contient les poitrines n'est connu qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se demande comment l'ange peut-il noter une chose qui revient à l'intention qui est de l'invisible, qui ne revient qu'à Allah. Donc là, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, rapporte qu'il n'a aucun empêchement, ce que Allah ait permis à l'ange de connaître l'intention de la personne afin de pouvoir la noter, la bonne ou la mauvaise. Ça, c'est la part de Cheikh al-Islam. D'accord ? Et d'autres ont dit que lui, qu'en fait, cette intention apparaît comme un acte, est ressortie comme un acte apparent afin que l'ange puisse la noter. C'est-à-dire que cette intention lui apparaît clairement comme un acte quelconque des membres afin que l'ange puisse la noter. Cependant, la parole de Cheikh l'Islam est plus proche de la vérité. Et cela se basant sur une parole d'Ibn Mas'ud, alors qui était pris comme preuve sur le sujet, où il dit que Shaitan, cela est connu, il a des associations sur le corps de la personne. Hein, il lui insuffle des choses. Et à l'inverse de cela, l'ange également a une influence, vous le connaissez déjà, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que son Shaitan à lui s'est converti à l'islam, donc ne l'inciter qu'au bien, ne l'inciter qu'à faire du bien. Cela démontre que l'ange également peut avoir une influence sur la pensée, sur le cœur. D'accord? Ce qui démontre que l'ange a un lien avec le cœur. Tout comme le shaitan, kazalik. Mais cela, par quoi? Par le décret d'Allah. C'est Allah qui lui a accordé cette faculté de pouvoir avoir une influence sur le cœur. Tout comme il a accordé, par exemple, la faculté à certains anges de changer d'apparence comme ils le veulent. Hein, d'aller à droite à gauche. Et cela est une réfutation, comme on l'a dit, à ceux qui prennent le hadith de Jibril lorsqu'il est venu sur l'apparence d'un homme pour pouvoir faire des mises en scène théâtrales, en disant que Jibril, ça a été une mise en scène qu'il a été faite, qu'il a pris une apparence pour jouer un rôle. Cela est faux. Jibril était Jibril lui-même. Il a juste changé d'apparence par une chose que Allah lui a accordée. Cependant, Jibril ne s'est pas fait passer pour quelqu'un d'autre. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait qui il était, leur a dit à la fin. Ce n'était pas une mise en scène. Ce n'était pas une pièce de théâtre, ni un sketch, ni rien du tout de tout cela. Tout comme également, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la faculté à l'ange de la mort, Malak al-Maut, de pouvoir se trouver en différents endroits, à différents moments, pour différentes personnes, pour leur prendre leurs âmes. C'est une chose que Allah leur a accordée. Et cela revient à l'essence de l'invisible, à Ayman al-Ghaib, qui ne nous a pas permis de dire comment et pourquoi. Nous, on se soumet et on y croit. Non. Donc, tout comme Allah a pu avoir donné la faculté aux anges de pouvoir déceler des intentions afin de pouvoir les inscrire. Non. Ensuite, il dit: Qawluhu man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamila. Que celui qui avait l'intention de faire une mauvaise action et ne l'a pas accomplie, que Allah la notera comme une bonne action. Vous voyez? Auprès de lui également. Là, dans le hadith, là, il n'a pas dit. Kataba Allahu indahu hasanatan kamila. Qu'il la comptera comme une bonne action complète auprès de lui. Qal hadha alhammu. Wa lam ya'malha khawfan min Allah min afdal al-kurubat. Wa ad-dalil hadith thalatha ashabul ghar. Wa man hamma bil sayyi'ati wa harasa 'alayha wa hawala fil wusul ilayha. Fa hadha yusamma al-'azm al-musammim. فإنه وزر لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ومقتول في النار. قالوا يا رسول الله أرأيت القاتل فما بال المقتول. Donc il dit que celui qui avait une intention, une motivation, mais ne l'a pas accompli par peur d'Allah, alors cela est parmi les meilleurs actes de rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De délaisser hein, une mauvaise action, de se rappeler d'Allah, d'avoir peur de la délaisser. Comme le prouve le hadith des trois de la caverne, cet homme qui a voulu forniquer avec sa cousine. Par contre, celui qui avait l'intention de la faire, il était déterminé à le faire, qu'il a tenté, il a pris il a fait les causes pour pouvoir y parvenir. Hein? Cela s'appelle el-azm el-musammem. Je ne sais pas comment traduire, c'est une forme de détermination. Qu'il était déterminé à le faire. D'accord? Qu'il était déterminé à le faire. Lui, il aura le péché. Comme le prouve le hadith rapporté par Abu Bakra, Muttafaqun alayhi, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, alors le tueur, c'est-à-dire il y a un combat entre deux musulmans qui voulaient se tuer l'un et l'autre, que celui qui a tué celui qui a été tué, les deux sont en enfer. Donc les gens dirent, ô messager d'Allah, on a compris pour le tueur, mais pour le tuer, qu'en est-il? Il dit, le tué était décidé également à tuer son frère, son opposant. Cependant, il n'a pas pu le faire. Il était tué avant. Mais son intention était de le tuer. Donc de là, par son intention, il aura le péché également, il aura le châtiment. فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَحِيلَ بَيْنُ وَبَيْنَهَا وَتَرَكَ لِرِئَاءِ النَّاسِ وَلَيْسَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَا ما تركها لله وهو آثم على ريائه. فهاتان حالتان هم وعزم مصمم، فالعزم المصمم هو الذي عليه الإثم كما في حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما. Donc il dit que celui qui a voulu faire une mauvaise action, cependant cela, il y a une chose qui s'est interposée entre lui et l'accomplissement de cette chose, alors qu'il voulait le faire, il y a eu un empêchement, qui n'a pas eu l'occasion de le faire, mais qui voulait le faire, lui aura le péché. Et par contre, s'il délaisse cette mauvaise action par ostentation, c'est-à-dire de peur que les gens ne le voient, par exemple quelqu'un qui voudrait voler une chose, il voit une voiture ouverte, il voudrait la voler. Cependant, cette voiture est dans une rue peuplée de gens, plein de passages, plein de passants. Il se dit, si jamais je la vole, on me verra et je serai dévoilé. Donc il délaisse cela par peur des gens. Hein? Ben, lui, il aura le péché également de l'ostentation. Lui, ce n'est pas par crainte d'Allah qu'il a délaissé, mais par crainte d'être dévoilé parce que les gens le voient. Et de là, des salafs ont rapporté que tarkul amali linnasi riya'u wa amalul amal linnasi shirkun. Que le fait de délaisser une chose pour les gens, cela est du riya, de l'ostentation. Et le fait d'accomplir un acte pour les gens, cela est du shirk. Fallait azu billah faire attention à ça. Shirk al-khafi. L'ostentation qui est l'un des gens les plus dangereux du shirk. Car il se peut que le musulman, et tout particulièrement le salafi, ne se prosterne pas pour autre que Allah, n'invoque pas autre que Allah, ne fasse pas de vœux pour autre que Allah, n'égorge pas pour autre que Allah. Tous ces actes apparents. Mais ce genre de shirk, il peut en être éprouvé. Ce qui est l'ostentation, ria, qui est le genre le plus dangereux, car des fois on ne s'en rend même pas compte. Nasallallahu an yahfazana wa iyyakum min dhalika. طيب. Ensuite il dit wal waswas wal khatarat khatarat bil bal laysa ala sahibiha ithmun. Qala ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Donc il dit, par contre, les insufflations qu'on peut avoir en nous, les choses qui nous traversent l'esprit, les choses qu'on s'imagine en nous, Inch'Allah, il n'y a pas de péché. D'accord ? Inch'Allah, il n'y a pas de péché. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, ô Seigneur, ne nous prends pas pour ce que nous avons oublié ou ce sur quoi nous sommes trompés, c'est-à-dire involontairement. Donc là, le shir, c'était un hadith, mais dans son livre, il a des erreurs d'édition, d'imprimerie, donc on va le prendre directement depuis son origine. Qui est le hadith rapporté par Abu Huraira. Lorsque le verset descendu sur le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit « Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa in tubudu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah » Dans le sens où il dit que à Allah appartient les cieux, ce qui est dans les cieux, ce qui est dans la terre. Et que si jamais vous faites apparaître ou vous cachez ce qu'il y a en vous, Allah vous en tiendra compte. Allah vous en tiendra compte. Donc ceux-là, ils ont du mal à concevoir cela. Donc ils se rendirent auprès de lui et lui dire, oh mais il s'agit d'Allah. Il nous a été imposé des œuvres, des actions que nous supportons. C'est-à-dire que nous sommes en mesure de faire. Comme la salat, comme le jihad, comme le siyam, comme la sadaqa. Et là, nous avons su qu'un verset vient de descendre sur toi, et ce verset-là, nous ne le supportons pas. Nous ne pouvons l'assumer. Atulidun antakulu kama qala al-kitabain min qablikum sami'na wa asayna bal qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Donc il leur dit, est-ce que vous voulez dire comme on dit les gens du livre d'avant vous, nous avons entendu et nous avons désobéi, mais plutôt dites, nous avons entendu, nous avons obéi. Nous voulons ton pardon au Seigneur et vers toi est le retour. Lorsqu'ils ont entendu ces paroles-là, les sahaba, ils s'y soumirent. D'accord ? Ils s'y soumirent et l'acceptèrent. Alors de là, Allah descendit un autre verset. À la suite, où il dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Dans le sens où il dit que le messager a cru à ce qui lui est descendu sur lui de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers. Nous ne différencions entre aucun de ces messagers. Et ils dirent, nous avons entendu et obéi. Hein, accorde-nous ton pardon, Seigneur, et c'est vers toi qu'est le retour. Lorsqu'ils firent cela, Allah abrogea le verset précédent. Le verset, hein, Yuhasibkum bihillah. Il fut abrogé. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre le verset où il dit La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, la ma kasabat wa alayha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Il fit descendre ensuite par la suite sa parole dans le sens où il dit que Allah n'impose pas une âme ce qu'elle ne peut supporter. Hein? Qu'est-ce qu'elle aura accompli? Hein? Qu'est-ce qu'elle aura accompli? Ô notre Seigneur, ne nous prends pas pour ce que nous avons oublié ou ce pourquoi nous nous sommes trompés. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Na'am. Ensuite, dans le verset, Rabbana la taj'al la tahammil alayna isran kama hamaltu ala allazina min qablina. Jusqu'à la fin du hadith. D'accord, jusqu'à la fin du hadith. Selon Abu Huraira, rapporté par l'imam musulman. Donc de là, le shahid de ce verset, c'est qu'il fut proscrit ou il fut abrogé par ce hadith, comme l'ont dit certains gens de science. L'imam Shoukani, le shi rapporte, rahimahullah, qu'il a écrit un livre intitulé Raf al-Bas, un hadith al-Nafs, wal-Ham, wal-Waswas, qui est une rasala qui dit que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal sur ce que la personne s'imagine ou se dit en elle-même, ou des motivations ou des associations. Il a apporté les preuves de cela. Quand al-Shir, معناه أن الذي يحدث في النفس من الخطرات معفو عنه كما في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. Donc il dit que le sens de cela, c'est que tout ce qui se passe en toi, que tu t'imagines, hein, ou qui te traverse l'esprit, ou comme insufflation, tout cela et pardonner. Comme le prouve le hadith, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a pardonné à ma communauté ce qu'elle se dit en elle-même, tant qu'elle ne l'applique pas ou qu'elle n'en parle pas. Donc le chien, ce qu'il dit directement, en français je dis, savoir qu'il s'agisse de divorce, ou de libérer un esclave, ou tout ce qui lui traverse l'esprit. Par exemple, il se dit en lui qu'il divorce sa femme. Et ce divorce ne sera pas compté. Qu'il se dit en lui qu'il a libéré un esclave. Cet esclave ne sera pas libéré. Qu'il n'y a rien sur lui. Quand bien même, comme le shir dit, يَهِمُّ أَنَّهُ يَزْنِي مَثَلًا وَلَا يَحْصُلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ غَزَمًا مُسَمِّمًا مَا عَلِي شَيْءٍ يَهِمُّ أَنَّهُ يَشْرَبُ خَمْرًا يَشْرَبُ خَمْرًا مُجَرَّدْ هَمْ أَوْ خَطَرَاتْ فِي النَّفْسِ La yasul azm musammim ma'alay shay. Innama al-ithmu ala azm al-musammim. Al-azm al-lazi yakunu musammaman alayhi yantabiku hadith Abi Bakra. Innahu kana hadithan ala qat sahibi. Amma mujarrad al-waswas fa hadith Abi Hurayra al-lazi fi sahih al-muslim fi nasr al-aya yadullu ala anna ma khatara bil-bali min al-waswas ma'fu anhu. Donc il dit, quand bien même il lui traversait l'esprit, il voudrait faire zina, par exemple. Il s'imagine en train de faire zina. Il voudrait le faire. Tant que ce n'est pas le azm al-musammim, c'est-à-dire qu'il soit déterminé à le faire, mais qu'une chose l'en aura empêché. Qu'il soit déterminé à le faire, mais qu'une chose l'en a empêché. C'est-à-dire qu'il a délaissé par crainte d'Allah. Cela est dans son esprit. Il se l'est imaginé. Il a voulu le faire. Mais qu'il n'en a pas parlé. Et qu'il ne l'a pas fait. Par crainte d'Allah. Alors il n'y a pas de péché sur lui. Cela lui est pardonné. Ou qu'il boive de l'alcool, par exemple. Dans la même situation. Tant que cela. Il y a une chose qui est dans son esprit seulement, qu'il n'en a pas parlé, ni qu'il ne l'a accompli par crainte d'Allah, quand bien même il aurait voulu le faire. Et cela l'attire, c'est-à-dire qu'il y réfléchit, mais qu'il ne le fait pas, et qu'il n'en parle pas, par crainte d'Allah, cela lui est pardonné. Par contre, celui qui comptait le faire, mais une chose l'en empêchait, et non pas la crainte d'Allah, alors lui rentre dans le hadith des deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, sont au feu. Non. Quant au reste, la preuve que tout cela lui est pardonné est l'histoire, le hadith rapporté par Abu Huraira, avec l'histoire du verset qui était abrogé. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. أعمل القلوب عليها حسنات وعليها آثام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلى كانوا معكم. Donc il dit que les œuvres du cœur elles-mêmes peuvent tirer récompense ou le contraire des péchés. Comme l'a dit le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il revient de la bataille de Tabouk, qu'est-ce qu'il dit? Il dit certes, des gens sont restés en arrière à Al-Medina. Et que vous n'avez parcouru aucun sentier ou que vous n'avez coupé aucune vallée sans qu'ils n'étaient avec vous. Ils ont été retenus par une excuse, et dans une version par la maladie. C'est-à-dire que ces gens, restés en arrière, avaient l'intention de venir mais n'ont pas pu le faire. Ils ont eu un empêchement. Faniyatu sadiqatu al-khalisatu kannaha ma'ahum. Kannahum ma'ahum. Wa hum ma'jurun. Tayyib, wa hum ma'jurun. Donc la bonne intention démontre qu'ils étaient avec eux et qu'ils ont tiré la récompense. والذي أراد قتل والذي أراد قتل ذلك الرجل وحيل بينه وبينه مع العزم آثم والذي ترك تلك المرأة وهو يريدها خوفا من الله مأجور. Donc il dit cet homme qui a voulu tuer un autre mais qui était tué avant, qui n'a pas pu le faire, lui a commis le péché pour son intention. Tout comme cet homme dans le hadith de la caverne qui voulait cette femme et qui l'a délaissée par peur d'Allah, lui a été récompensé. Également, tout ce qu'il y a en lien avec les mauvaises actions, les actions du cœur, comme, il le cite, al-kibr, l'orgueil, ou al-higd, le mépris, ou al-khubf, les vilainies, ou al-bourd, les mu'minines, et le dégoût envers les croyants, la haine envers les croyants, ou mahabbat, li ahl al-batil, et l'amour pour les gens du faux. Donc il dit, toutes ces choses-là, hein, ces sentiments-là, celui qui les a en lui, prend un péché. Celui qui a de l'orgueil en lui, qui a du mépris en lui, qui a des vilainies en lui, et qui a du dégoût pour les musulmans en lui, qui a de l'amour pour les gens du bâtil en lui, lui aura commis un péché. Quand bien même, il ne le laisse pas apparaître. Par contre, s'il ne laisse pas apparaître, qu'il combat son ego, son nefs, car il sait que c'est mauvais et qu'il le combat, lui est récompensé. Là, on parle de celui qui a ça en lui, qui le cache, mais qui l'approuve. Par exemple, il n'aime pas ses frères en islam. Hein, il y a des frères, il a du dégoût envers eux, sans raison légiférée. Mais il ne le montre pas. Il le cache en lui. Mais au fond, lui, il dit, je ne les aime pas, ces frères-là. Hein, ces frères-là, je ne les aime pas. Alors qu'ils ne l'ont rien fait. D'accord? Lui, tant que ce sentiment, il le consomme en lui, il le fructifie en lui, même s'il ne le montre pas en apparent, aura commis un péché. Et ça, c'est un acte du cœur. Quant à celui qui combat cela, par exemple, il a de la jalousie pour quelqu'un, mais il sait que c'est pas bien, il tente de la refouler et de la combattre, par crainte d'Allah, lui est récompensé. Ensuite, il dit, Al-khawf aqsam, wal-mahabba aqsam, wa kullu hadha fil qalb, wa raja, wa niyat kullu hadha mimma yata'alaku bil-a'mal, bil-a'mal al-qulub. Donc il dit par exemple la peur a des catégories, vous le savez. Par exemple la peur peut être naturelle, comme la peur d'un ennemi. La peur peut être interdite, comme la peur d'une créature qui te ferait tomber dans un acte interdit. Et la peur peut être du shirk, comme le fait que tu craignes d'une personne ce qu'elle n'est pas capable de te faire. Tu penses qu'il pourra te nuire alors qu'il a une distance, une longue distance de toi, ou qu'il sait ce qu'il y a dans ton cœur, tu as peur de lui, ce que tu t'imagines qu'il sait ce que tu ressens en toi, comme sentiment ou ce que tu penses, tu as peur de lui, ou tu as peur qu'il te lance un sort, tu as peur qu'il te touche dans des choses dont tu n'es pas capable, qui ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est de la peur shirki. Cela est du shirk. Ou comme l'amour. L'amour naturel est une chose qui est permis, même l'amour peut être obligatoire envers les parents, envers les proches. Un amour naturel. L'amour peut être interdit, comme le fait d'aimer une personne au point d'en tomber dans des choses interdites. Par exemple, tu aimes une femme, et cette femme-là, par exemple, elle ne veut pas que tu aies de barbe. Tu te rases par amour pour cette femme-là. Cette femme-là, elle te plaît, et pour elle, tu te rases la barbe pour lui plaire. Cela est un amour interdit. Ou également le fait d'aimer une créature plus que tu n'aimes Allah subhanahu wa ta'ala, au point de tomber dans son adoration. Cela est du shirk. L'amour a des catégories également. Cela vient dans les kutub comme Usul Falasa et ainsi de suite. Kitab Tawhid. Tout cela est dans le cœur. Également l'espoir. Hein? Tout cela est des choses, sont des choses qui sont relatives aux œuvres du cœur. Ensuite, il finit en disant Nas'alallah at-tawfiq lima yuhibbu wa yardah. Wa qad basata al-Shawkani rahimahullah ta'ala al-mas'alata fi kitabihi al-mazkur anifa. Wa kadhalika ibn Rajab rahimahullah. Wa hadha mukhtasarun mukhtasarul al-qawli fi hadhihi al-mas'ala intaha. Donc il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq pour ce qu'il aime et ce qu'il agrée, et que Ibn Rajab et Shawkani se sont déjà étalés sur le sujet, et Shawkani dans le livre que nous avons cité avant, et Ibn Rajab dans Jamil al-Ulum al-Hikam, qui est, comme nous l'avons dit, la meilleure explication du Arba'in Nawawi, très large, avec plein d'exemples de affaires de salaf et de hadith pour appuyer ses dires. Non, mais cela est juste un résumé se rapportant au sujet. Non. Donc, le khulasa de ce hadith, nous avons appris que celui qui a l'intention de faire une bonne action et l'accomplit, celle-ci est décuplée au minimum de 10. Et cela peut s'accumuler bien plus que cela revient au bon vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que celui qui avait l'intention de faire une bonne action mais ne l'a pas faite par empêchement, hein, que cela sera compté comme une bonne action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme même se rapporte ce hadith que celui qui tombe malade ou qui est en voyage, il lui sera compté tout ce qu'il faisait lorsqu'il était résident ou en bonne santé. Hein? Plein de preuves sont venues pour appuyer cela. Également dans ce hadith, nous avons appris que celui qui avait l'intention de faire une mauvaise action mais qui ne l'a pas faite par peur d'Allah, attention, ça c'est la condition, par peur d'Allah, que cela lui sera compté comme une bonne action. Quant à celui qui voulait la faire et qui l'a faite, d'accord, et qui l'a faite, lui, cela sera compté comme une mauvaise action. Tout comme celui qui avait l'intention de faire une mauvaise action mais qui l'a délaissée par peur des gens, par peur d'être dévoilé aux yeux des gens, ainsi de suite, cela est de l'ostentation et du ria. Cela lui cause des problèmes, cela lui causera des péchés. Et nous avons même également profité du fait que ce qui nous traverse l'esprit, ce qu'on s'imagine, ce qu'on se dit en soi-même, hein, tant qu'on n'en parle pas ou qu'on ne l'applique pas, par crainte d'Allah, que cela nous est pardonné. Bifadlillah. Cela est parmi les grâces immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, ce qui démontre qu'il a mis toutes les causes en place afin de tirer de bonnes actions, qu'elles soient décuplées et d'éviter les mauvaises. Fabiya dalkar de naktafi, wa nakul subhanaka lumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.